Okay. Bonjour, bienvenue pour une leçon Feldenkrais pour aujourd'hui. Et pour la leçon aujourd'hui, on va avoir besoin de quelque chose pour la tête, pour être confortable, qu'on est allongé sur le côté. Donc d'aller chercher quelques serviettes ou quelques couvertures que vous pouvez plier pour avoir une surface qui n'est pas trop moue et qui est assez plat, consistant. Et après que vous avez organisé tout ça, de poser ça à côté de votre matelas et de se mettre debout pour le moment, pour le début de cette leçon. Et debout, on peut sentir notre contact avec le sol. On peut noter aussi le sens de nos hanches. Où sont nos hanches? Et est-ce qu'il y a un hanche qui est un peu plus sur le côté que les autres qui est plutôt entre les jambes, les autres qui est un peu plus sur le côté? Est-ce qu'il y a un hanche qui est plus en avant que les autres? Un derrière. Et de sentir aussi vos épaules. Le contact avec le sol et les épaules. Et de marcher un petit peu dans l'espace. Et juste de noter les mouvements de le bassin, les hanches, les épaules. Juste d'avoir un sens général en marchant. Et après d'aller allonger sur le dos, sur votre matelas. Ou couverture, là. Une surface qui n'est pas trop mou non plus au sol. Ok. Et allongé sur le dos, sans votre contact avec le sol maintenant, c'est plus juste la plante des pieds là, qui sont au sol, maintenant c'est toutes les surfaces derrière vous qui est en contact. Et sans le contact avec les épaules, les deux épaules, de manière que c'est pas le même contact entre les deux, une différence. Peut-être un qui est un peu plus proche du sol, plus étalé, moins étalé, une autre qualité. Et la manière que le dos est posé au sol. Et le bassin, les hanches. Et les deux jambes. Ok. Et de laisser ça et de allonger sur le côté droit. Donc, vous êtes allongé sur le côté droit, vous pouvez organiser les coussins pour la tête, de poser votre tête sur une surface qui est assez haut pour être confortable, mais c'est que les colonnes vertébrales et la tête sont dans un bon alignement pour vous. Et de plier les genoux et mettre un jambe sur l'autre, un genou sur l'autre, d'avoir les deux jambes pliées quand vous êtes assise un peu, C'est ce genre de position à peu près 90 degrés, les hanches et les bas de jambes. Ok. Et avec votre. Avoir les deux bras, les deux mains longues devant vous, ça veut dire qu'il y a la main gauche qui est sur la main droite et les deux bras sont dépliés, sont longs. Et donc, fais un petit mouvement de avancer un peu la main gauche, d'allonger le bras gauche au sol. Donc, la main va glisser sur les hautes mains. La main gauche va glisser sur la main droite. Et elle avance un petit peu. Et elle revient. Un petit mouvement. Et on va répéter ce petit mouvement on avance un petit peu le bras, on va allonger le bras, l'épaule va avancer, la main glisse un petit peu sur les autres mains et après elles reviennent sur la main. Et de noter dans ce petit mouvement, qu'est-ce qui passe avec la tête? Est-ce que la tête commence aussi de rouler? Est-ce qu'on roule la tête un petit peu en même temps et bouge un petit peu ou pas? Et qu'est-ce qui passe avec votre respiration? Et prendre une petite pause. Juste sur le côté là, prendre une petite pause. Ok, et de reprendre ce même mouvement, d'avancer le bras gauche un petit peu, glisser la main gauche sur la main droite, les deux sont longues devant vous, la droite posée au sol, et de commencer de mettre aussi votre attention dans les autres parties du dos là, et la hanche, les hanches. Je vais noter s'il y a un tout petit mouvement aussi là ou pas. Et on force pas les mouvements. Dans la méthode, on réserve une partie de notre attention pour détecter, pour être vigilant sur notre confort, d'être vigilant de ne pas dépasser nous-mêmes, de ne pas faire un mouvement dans lequel on sent que ça fait pas du bien, ça fait un peu mal, même si c'est juste une petite sensation que ça tire un peu trop. On est vigilant sur ça dans la méthode et de ne pas faire ça. Ok, on va prendre une petite pause. Et avec les mains gauches toujours sur la main droite, on fait un petit mouvement de glisser les mains vers vous. Ça veut dire, et on reste avec les bras longs, dans le sens que c'est les bras gauche encore dépliés. Mais on glisse la main vers vous. Ça veut dire que ça va glisser vers, il va toucher plutôt le avant-bras droit, les poignets, les avant-bras droit. Et après, ça reglisse de la position de départ où les deux mains sont ensemble. Donc on vient vers nous un petit peu. Et ça veut dire que l'épaule gauche va aller vers derrière. Et après, on revient. L'épaule, mais peut-être aussi, il y a une rotation dans le torse. Et peut-être la tête aussi. Est-ce que peut-être il bouge aussi. Peut-être il roule un petit peu. Et la respiration aussi. La respiration fait partie du mouvement, même si on ne pense pas. Et quand on pense de respiration et continue le mouvement, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? Et aussi, peut-être on sent même un petit mouvement du bassin, des hanches. Et on prend une petite pause sur le côté. Et de maintenant, de faire les deux directions avec le bras gauche. Ça veut dire qu'on va avancer le bras gauche un petit peu. Ça glisse sur la main droite un peu plus loin, vers le sol, devant nous. Et après, on revient vers nous et la main gauche glisse sur l'avant-bras de la main, de la bras droite. Donc l'épaule gauche va avancer et reculer. La tête aussi peut rouler un petit peu ou reprendre ce mouvement. Et aussi le bassin, le torse. Ça reste un petit mouvement. Juste assez pour sentir qu'il y a un mouvement qui a commencé, c'est assez. Même juste imaginer le mouvement, ça peut fonctionner bien pour trouver plus de confort. Ok. Et de laisser ça et de rouler sur le dos et prendre une pause allongée sur le dos. Et de prendre un moment pour sentir la manière que votre bras gauche est posé au sol, l'épaule gauche. Le sens de contact en général dans le torse. Et s'il est différent que la sensation de contact et de sensation interne de l'épaule droite et le bras droit. Ok, et de laisser ça et de rouler de nouveau. Et allongé sur le côté droit. Comme avant, on pose la main gauche sur la main droite, les bras plus ou moins longs, la tête sur le coussin. Et de commencer à faire ce petit mouvement de avancer la main un petit peu, la main gauche, et de reculer, de venir vers vous et de noter qu'est-ce qui passe avec le bassin pour soutenir ce mouvement, pour réaliser ce mouvement. Et prendre une pause, allonger sur le côté. Et les deux jambes sont pliées, un sur les autres, donc à peu près dans cette genre de position comme on était assise, mais sur le côté, allongée sur le côté comme on est assise. Et dans cette position-là, on va commencer à reculer un petit peu le genou gauche. En fait, le genou gauche, il va, la hanche gauche va commencer d'aller vers derrière et le genou gauche va venir un peu plus proche de nous. Il glisse vers nous sur le genou droit. Il reste sur le haute jambe, donc on ne va pas lever la jambe. C'est en fait que dans une manière similaire qu'on avait fait avec les mains, avec les bras, on glisse le genou un peu plus vers nous et après on va aller pour le poser sur le haut genou. Est-ce que cette direction de mouvement elle est confortable ou pas? Et s'il n'est pas confortable, peut-être de faire plus petit, mettre un peu d'attention sur la respiration et de continuer d'explorer, prendre des petites pauses. Ok, et de prendre une pause. Et de maintenant, de faire le mouvement dans l'autre direction avec les genoux. Ça veut dire que le genou gauche va glisser plus loin de toi. Il va avancer le genou gauche. Il glisse sur le genou droit un peu plus loin. Et ça revient sur le genou. C'est un peu comme les 12. On peut peut-être plus sentir les os des genoux. Un qui glisse un petit peu sur l'autre. Peut-être on sent ce mouvement qu'il passe aussi dans le torse, dans le dos. Ok, prendre une petite pause. Et de maintenant d'alterner entre les deux directions. Donc de glisser le genou gauche un peu plus vers toi, la hanche gauche va aller un peu vers derrière. Et après la hanche gauche avance et le genou avance et glisse sur les autres genoux. On fait les deux directions. Mais prendre du temps, fait assez lentement pour sentir quelle partie de vous est engagée dans ce mouvement. Quelle partie du dos, quelle partie des côtes peut-être. Et aussi de rester confortable avec la respiration. Ok, et de prendre une pause et d'allonger sur le dos. Et de juste noter le contact avec le sol, mais le contact avec le dos. Le côté gauche et droite. Ok, et de rouler de nouveau sur le côté droite. Vous êtes allongé sur le côté droite. Et maintenant, de commencer de avancer le bras gauche, la main gauche est sur la main droite, notre position de départ, et on avance un petit peu la main gauche. Et on revient au neutre. Et on va avancer la main gauche en même temps qu'on glisse le genou gauche un peu en avant aussi. Donc ça veut dire que les deux membres, le bras gauche et la jambe gauche, le genou gauche, va allonger devant nous. On va glisser plus loin et on revient. Et vous notez que la tête peut aussi bouger. Et après, les deux membres, le bras et les jambes, glissent un peu vers nous, derrière. Donc, les jambes glissent un peu vers nous, la hanche gauche, il roule un petit, il allait un peu vers derrière, l'épaule gauche aussi. Donc, les hanches et l'épaule, elles bougent dans la même direction. Les bras restent longs. Ça veut dire déplier, le coude reste déplié. Ok. Prendre une petite pause, allonger sur le côté. Et à partir de la position du basse, maintenant on va faire un petit mouvement où on va avancer les bras gauche en même temps qu'on la hanche gauche allait vers derrière. Le genou vient vers nous, mais le bras, la main gauche, il va aller plus loin. Allonger le bras en même temps que le genou vient un peu plus vers nous. Il glisse vers nous. Et après, on revient au neutre. Donc, c'est une contre-rotation. C'est une sorte de. C'est une rotation, un mouvement dans deux directions différentes. Et pour l'instant, on juste avance les bras et recule le hanche. Et après, on revient au neutre. Petit mouvement, on ne force pas. On respire, on sent le confort dans nos respirations. On prend les pauses. Et prendre une petite pause. Et de maintenant, de faire les hautes manières de de faire dans les deux directions, donc de reculer un petit peu le bras, de venir vers vous avec les bras gauches, l'épaule gauche va aller vers derrière, et on avance la jambe gauche, le genou gauche va glisser sur, un peu plus loin sur le genou droit, la hanche gauche va avancer en même temps que l'épaule gauche recule, il allait un peu vers derrière et revient au neutre. Et peut-être cette direction est plus facile pour certains, plus difficile pour certains que les dernières. Même s'il y a un qui est plus facile que les autres, plus clair, on ne force pas un d'être comme les autres. Et de continuer, mais de faire les deux directions. Donc, les genoux pour glisser vers vous maintenant aussi, et on avance les bras gauche, l'épaule gauche, et après on recoule l'épaule gauche, le bras gauche, et on avance le genou. La tête peut aussi bouger, répandre, et c'est un sens de, aussi de rotation peut-être dans le torse, et la respiration va adapter. Ok, et de prendre une petite pause, de laisser ça. Encore sur le côté. Et de revenir sur le mouvement d'aller dans la même direction. Ça veut dire qu'on avance le genou gauche en même temps qu'on avance l'épaule gauche. Et après, les deux aller vers derrière en même temps. Peut-être un peu ajouter aussi la tête qui va rouler un peu vers, le nez va rouler vers le sol quand on avance le bras et la jambe et quand on recule et la tête va rouler pour le nez d'être un peu plus dans la direction de plateforme. Ok, et de laisser ça et de rouler sur le dos et allongez-vous sur le dos. De noter maintenant votre contact avec le sol, votre contact avec vous-même. Et de rouler sur le côté droit, allonger sur le côté droit, et poser la main gauche cette fois-ci avec les paumes de main au sol, dans une distance qui est confortable devant la poitrine ou devant le ventre. Pas qui touche pas le torse directement, mais les coudes pliés maintenant et les paumes de main gauche et au sol. Les coudes dans l'air. Et de considérer avancer le genou gauche en même temps qu'on avance l'épaule gauche. Et après de reculer l'épaule gauche et la hanche gauche en même temps. Maintenant, c'est un peu peut-être plus clair, juste le mouvement de épaule C'est plus facile. La tête peut s'y rouler. Et de prendre une petite pause au milieu. Et maintenant d'avancer la hanche gauche en même temps qu'on recule l'épaule gauche. Donc ils allaient dans les directions opposées. Et après on recule la hanche en même temps qu'on avance l'épaule. Donc et après ils croisent le milieu. Un avance quand les autres reculent, et après les autres avancent et les autres reculent. Un petit mouvement, et fais le mouvement encore plus petit, plus simple, il peut être un peu plus vite aussi si c'est confortable. Et de laisser ça, et d'allonger sur le dos. Descends la longueur de du bras, de manière que l'épaule gauche est au sol, l'épaule droite. Contact avec le dos et les deux hanches. Et de rouler sur le côté gauche. Maintenant, on va allonger sur le côté gauche. On met les coussins pour la tête de nouveau. Et on pose les deux bras sont longs devant vous. Les mains droites sur la main gauche. Les genoux sont pliés quand on est assise. Les hanches sont pliées quand on est assise. Un genou sur l'autre. Et d'abord, on va juste imaginer un petit mouvement de glisser la main droite un peu plus loin, d'allonger les bras droits et de revenir. Et juste imagine le mouvement des bras. Voir qu'est-ce qui passe avec la respiration. Et après de laisser ça et d'imaginer qu'on va reculer les bras gauche un petit peu. Ça veut dire que le bras reste long, déplié, le coude est déplié, et l'épaule droite recule un petit peu. La tête peut aussi rouler dans l'imagination. Et prendre une petite pause. Et maintenant d'imaginer qu'on va avancer un petit peu les bras droits. Et après on va reculer, on va le bras droit, venir vers nous. Et après, de commencer de faire le mouvement. Et d'abord, fais tout petit. C'est presque des limites entre imagination et mouvement. On dépasse cette limite légèrement. Et même dans ce petit mouvement, sans imaginer le mouvement de la tête, et aussi peut-être si les hanches bougent un petit peu, pour imaginer ça, on peut imaginer que le mouvement est plus grand qu'il est, même temps qu'on fait un petit mouvement. Ok, de continuer si vous voulez, vous pouvez faire encore un peu plus grande, plus de confort. Quand les côtes et la respiration répondent. Ok, et de prendre une pause. Et de commencer de avancer un petit peu les genoux droits dans l'imagination. On avance le genou droit un petit peu dans l'imagination. Et après de jouer avec cette ligne entre l'imagination et l'action, de faire un tout petit mouvement qui est comme les images de l'imagination, qui déborde juste un petit peu l'imagination, dans la frontière entre imagination et action. Et de prendre une pause. Et de reculer la hanche droite un petit peu. Les genoux droits vont glisser un peu vers nous, mouvement dans le dos. Et de faire ça dans l'imagination, ou dans un mouvement actuel, ou jouer autour de cette frontière. Et parfois, pour certains, ça peut aider aussi de commencer un peu plus grande. Et après, fait plus petit, ça c'est aussi possible. L'image peut clarifier les mouvements et le mouvement peut clarifier les images. Et de continuer de reculer la hanche et maintenant de aussi de l'avancer, de glisser les genoux droits un peu plus loin sur le genou gauche et après de revenir et après la hanche aller vers derrière et glisse vers nous le jambe droite. Les deux directions. Et de prendre une pause et d'allonger sur le dos. Et de laisse la respiration et le contact avec le sol remplit votre esprit, votre attention. Et de nouveau de rouler sur le côté gauche. Et on va avancer le bras droit en même temps qu'on avance le genou droit. Et après, on revient au neutre. Et on recule les deux en même temps. La tête peut voler un petit peu. On avance et on recule. Et on prend une pause. Et maintenant, on avance un petit peu les bras droits, en même temps qu'on recule la hanche gauche. Donc les bras droits vont glisser un peu plus loin. Plus long et on revient, on recule, on allait vers derrière avec la hanche droite et on revient au neutre et on refait le même quelques fois. Ça veut dire qu'on avance le bras et on recule la hanche. Ou la jambe, on peut dire. Ok, et de prendre une pause. Et de avancer le genou droit en même temps qu'on recule l'épaule droite. Donc c'est une autre direction de rotation. Et peut-être c'est plus familier, plus connu, peut-être moins. Donc c'est pour vous de pour décider quelle taille de mouvement est confortable pour vous dans cette situation. Et après d'alterner entre les deux, donc d'avancer le genou en même temps qu'on recule l'épaule, et après d'avancer le bras, l'épaule en même temps qu'on recule la hanche, genou. La tête peut rouler. La respiration pour continuer. Et si on sent qu'on essaie de forcer un mouvement, on fait moins. C'est pas l'amplitude, c'est pas du tout important. C'est la clarité de la direction et le confort dedans qu'on cherche. Le confort et le sens de liberté de choisir différentes manières de le faire. Ok. Et de prendre une pause et d'allonger sur le dos. Et juste prendre un moment sur le dos pour sentir votre contact avec le sol. Et d'allonger sur le côté gauche. Et cette fois-ci, de plier les bras droite pour avoir la paume de main devant vous, au sol, pardon, la paume de main au sol. Le coude est maintenant, elle est pliée. Mais les genoux sont toujours un sur les autres, les jambes pliées. Et enfin, fait des petits mouvements de avancer l'épaule en même temps qu'on avance la hanche et on recule un petit peu la hanche en même temps qu'on recule l'épaule, la tête aussi pour rouler avec et juste dans ce mouvement de noter si une sens même si elle est très petite que l'épaule et la hanche viennent d'être plus proches et plus loin dans certaines parties du mouvement. De noter si peut-être les genoux, les hanches et les épaules sont un peu plus proches quand on allait en avant et quand on allait vers derrière, ils sont un peu plus loin. Et aussi peut-être les côtes, le côté de vous, ils ouvrent un petit peu. Et ça replie un petit peu. Ok, de prendre une petite pause. Et de maintenant de commencer de faire dans la direction où l'épaule avance en même temps que la hanche recule. Et après, c'est l'épaule qui avance, pardon, c'est l'épaule qui recule et la hanche qui avance. D'aller dans les directions opposées, une petite sorte de torsion. Et de fait, ce mouvement assez simple, petit. Et quand c'est clair, vous pouvez commencer de faire encore un peu plus simple, un peu plus vite, un peu plus confortable. Un petit mouvement comme bloup, bloup, bloup, bloup, bloup, bloup, bloup, bloup. Et de laisser ça et de prendre une pause. Allonger sur le dos. et descend votre contact avec le sol, votre contact avec vous-même. Le contact avec les deux épaules, le dos, les hanches, les jambes. Et de rouler sur un côté ou l'autre pour se mettre debout. Et quand vous êtes debout, sans votre pied au sol, vos hanches, vos épaules, et le conseil de marcher un petit peu, sans le mouvement de les hanches et les bras, les épaules, et de marcher dans une vitesse un peu plus comme normale, quotidienne, et de continuer de sentir un peu le mouvement de les épaules, les hanches, dans une marche plus ou moins normale, on peut dire. Et avec ça, on va finir notre leçon. Donc, merci beaucoup. Et je m'appelle Joe Stoller et merci d'écouter. Et j'espère que vous passez une bonne journée. Au revoir.